Bonjour, donc nous sommes merci d'être toujours fidèle à l'histoire en podcast sur les Mérovingiens. Alors, nous étions en train d'étudier le complexe palatial, qui est cet ensemble de bâtiments, en général en bois, entouré d'une palissade, avec un palais royal effectif, une basilique, un couvent, une école du palais, des salles de réunion, des bâtiments administratifs et aussi un palais de justice. Bref, cette espèce de. Et puis ensuite, évidemment, des artisans, bijoutiers, tisserands, orfèvres, ferronniers, enfin, tout un ensemble de métiers aussi qui sont très bien organisés et qui travaillent pour le palais, hein. Ce qui fait que le palais, qui est véritablement l'organe central de l'administration mérovingienne, est vraiment le cœur du pouvoir et est fait pour être véritablement le cœur du pouvoir, afin d'assurer au roi mérovingien une administration qui lui soit soumise, qui lui soit fidèle et qui soit efficace. Donc, mieux vaut regrouper tout le monde un peu dans le même espace. Alors, donc on continue là-dessus sur l'organisation spatiale du palais royal mérovingien. Alors, on voyait d'ailleurs que cette palissade de bois n'avait aucune fonction protectrice. Elle est là uniquement pour délimiter un territoire, pour délimiter éventuellement une différence de juridiction. Les palissades d'ailleurs sont décorées de motifs pour montrer en été la splendeur, la beauté de cet espace qui est quand même l'espace où se trouve l'espace du pouvoir. Il y a des tours de guet, mais les tours de guet, enfin, les tours ne sont pas là pour défendre. Elles sont là éventuellement pour voir le danger arriver de loin, mais elles ne sont pas là du tout pour défendre. Donc elles n'ont aucune valeur stratégique guerrière. Et donc voilà. Donc évidemment, en plus, à l'époque, si on attaque, en réalité, alors il y a déjà des lieux qui sont fortifiés. Il n'y a pas des châteaux forts où il n'y a que une garnison et un château fort, mais il y a plutôt des lieux qui sont fortifiés, comme par exemple les villes. Les villes, elles, sont fortifiées. La ville d'Orléans, on sait qu'elle a des fortifications en pierre qui datent des Romains et qui fait qu'en réalité, elle est souvent utilisée pour rassembler tous les conciles nationaux, parce que c'est assez facile de protéger les évêques lorsqu'ils sont en grand nombre. Il y a des villes qui sont protégées par des murailles de pierre. En général, c'est des héritages romains. Mais les Mérovingiens n'ont pas cette idée de construire forcément en pierre. Voilà. S'ils peuvent assurer leur protection autrement, ils le feront autrement et ils se permettront de construire que des palissades en bois. Voilà, s'il le faut. Donc, l'organisation Alors, en plus de ça, c'est que si on attaque un palais royal, non seulement on risque quand même de perdre, puisqu'il y a quand même plusieurs garnisons, il y a des hommes bien armés, en plus il y a souvent un petit village adjacent qui est protégé par sa propre milice. Donc la garde royale va grossir les rangs de la milice et les envahisseurs vont se retrouver en bataille rangée. Ce qui rendra éventuellement les choses un peu compliquées. Et en plus de ça, s'attaquer au palais royal, c'est s'attaquer à la personne du roi, et c'est risquer l'excommunication, enfin c'est l'excommunication assurée. Donc ça donne pas particulièrement envie d'aller se battre, sachant que l'excommunication sera évidemment prononcée directement par l'évêque des lieux, qui doit pas être loin, qui doit d'ailleurs fréquenter le palais royal, ou bien le prêtre qui dessert la basilique. Alors, l'organisation donc du spatial du palais mérovingien montre un mélange des sphères publiques et des sphères privées, comme nous l'avons vu, puisqu'il y a des appartements privés du roi, par exemple, à côté de l'école du palais, à côté des bâtiments administratifs, mais aussi un mélange des sphères politiques et administratives, religieuses et laïques. Les décisions royales donc peuvent ainsi être teintées de diverses préoccupations inspirées par l'environnement immédiat. En effet, prêtres et évêques discutent avec le maire du palais, Les moines professeurs qui occupent la partie conventuelle du complexe palatial réfléchissent à une adaptation de l'enseignement avec les seigneurs. Les orfèvres et ferronniers élaborent de nouvelles techniques et les soumettent au roi pour obtenir un privilège d'exploitation. Autrement dit, ce qu'on appelle un brevet. Nous avons vu, donc certains palais peuvent, qui fonctionnent bien, peuvent même véritablement fonctionner un peu comme nos centres de recherche, en fait, de véritables centres de recherche, avec la possibilité en plus d'avoir une application pratique de ces recherches. Alors, nous avons vu donc à côté du palais qu'il y a aussi des villas royales. Alors, les villas royales sont plus petites que les palais en général. Elles peuvent être dotées d'une école, comme c'est le cas de la villa royale de Vitry-sur-Artois, où la reine Radegonde, femme de Clotaire II, a été initiée à la foi chrétienne. Elles sont aussi le lieu où le roi peut recevoir des représentants des autorités locales. Ainsi, Chilpéric est mort alors qu'il recevait en audience un évêque dans sa villa de Chelles. La villa est aussi le lieu d'une politique officieuse, discrète, mais où les décisions peuvent avoir une grande importance pour l'avenir du royaume. Donc, si véritablement on veut discuter de sujets graves, on s'isole du palais royal et on va dans une villa, soi-disant pour aller chasser, mais en réalité, c'est plutôt pour discuter de sujets politiques graves. C'est aussi d'ailleurs le lieu par excellence, puisque c'est un lieu un petit peu retiré, en général près d'une forêt où on peut aller chasser facilement, où Frédégonde choisit de tuer systématiquement ses victimes, c'est-à-dire tous ses beaux-fils, la mort de Mérovée, on se souvient de la mort de Clovis, et même de la mort de Chilpéric, son propre mari. Toujours le soir, après le retour de la chasse, et dans un petit coin sombre, hop, lardé de coups de couteau, évidemment, en cachette, quasiment en cachette. Alors, Dagobert meurt. Bon, là, on était en train de parler des débuts, en réalité, du règne de Clovis II. Il faut savoir que donc Clovis II a 4 ans, son père est mort en 639 des suites d'un flux au ventre. Alors, on ne sait pas très très bien de quoi il s'agit. Certains disent qu'il avait forcément été empoisonné parce que peut-être que les relations étaient déjà un peu compliquées à l'époque. Mais d'autres disent qu'au contraire, il serait mort en été d'une péritonite, d'une appendicite. Et c'est assez probable parce que les symptômes sont assez proches de laisser deviner ce genre de maladie. Nantine n'a aucun intérêt à assassiner Dagobert. Donc, elle a été en plus élevée dans un couvent, elle n'a sûrement pas les mêmes manières que cette horrible Frédégonde. Voilà, donc Dagobert serait mort d'une appendicite. Ou éventuellement, si c'est un flux au ventre, ça pourrait être aussi une dysenterie, et il se serait à peu près vidé de son eau. Clovis II est donc proclamé roi de Neustrie, de Bourgogne. La cérémonie se passe dans la salle. Alors, on ne sait pas où se passe vraiment la cérémonie. Est-ce qu'elle se passe dans la scène dans la salle du trône du palais de Clichy, ou à la villa royale de Malet-le-Roi? Alors, ça, c'est la seconde hypothèse, et c'est l'hypothèse la plus probable, c'est qu'elle se soit passée à la villa royale de Malet-le-Roi, sur les bords de l'Yonne. En effet, c'est un territoire qui est assez proche en été de la Bourgogne. Et c'est un territoire neustrien assez proche à Bourgogne, donc ce qui explique que ça permet en réalité de faire une cérémonie du couronnement en présence de grands de Bourgogne et de grands de Neustrie, sans qu'il y ait trop de problèmes de déplacement. Et ça permet ainsi de bien marquer le fait que Clovis II devient roi et de Neustrie et de Bourgogne. Mais en fait, l'entrée dans la fonction royale a été très progressive, il meurt et il devient immédiatement roi du fait de la mort de son père. Donc à 4 ans, il est déjà considéré comme roi. Et là, il y a déjà cette cérémonie visiblement à Malet-le-Roi où on lui donne une couronne 10 fois trop lourde pour lui, donc quelqu'un doit tenir sur la tête. Et puis ensuite, à 12 ans, il y a une nouvelle cérémonie d'entrée dans la fonction royale dont je ne connais pas malheureusement les détails, mais qui est une forme de confirmation. Plus tard, à 12 ans, en réalité, il y aura, par exemple, sous les Capétiens, il y aura la cérémonie de l'adoubement. Alors, est-ce qu'il y a déjà cette cérémonie de l'adoubement à l'âge de 12 ans du jeune roi, afin de faire du roi un égal des seigneurs? Et puis, à partir de. Mais en général, chez les Mérovingiens, l'entrée effective dans la fonction royale comme roi, c'est à l'âge de 26 ans. À l'âge de 26 ans, c'était l'âge où les Romains marquaient la fin de l'adolescence et l'entrée dans la vie adulte par le fait de recevoir des charges publiques beaucoup plus importantes et conséquentes. Et voilà. Et donc peut-être qu'il y aurait encore cette espèce de proximité avec le droit romain qui voudrait qu'à 26 ans, les jeunes Mérovingiens deviennent rois, mais de rois de plein pouvoir. Et c'est vrai que c'est le cas, par exemple, de Childebert, qui en 595 n'a que 25 ans, et donc ou 24 ans, je ne sais plus, et donc il n'est pas vraiment roi, mais sa mère, enfin, oui, c'est ça, sa mère, Brunehaut, veut un peu accélérer son accession au pouvoir, et donc elle le fait proclamer la fameuse décrétion de Childebert de 595. Mais Childebert sera effectivement roi à l'âge de 26 ans. Malheureusement, il va se faire assassiner l'année où il devient roi, en fait. Roi de plein droit. Donc, voilà. Donc, ça, c'est encore un aspect, finalement, de la royauté. Nous allons voir dans le prochain podcast comment, ensuite, les événements se sont enchaînés, montrant en réalité un complet changement en réalité des rapports de force. C'est l'objet de notre prochain podcast. Merci et à bientôt.